Merci de nous rejoindre sur Isanganiro et voici les grands titres de ce journal. Un hippopotame a mordu mortellement 4 personnes ce dimanche matin sur la plage Niabouguete de la commune Mouhamérie de Bujumbura. Ces 4 portent à 9 le nombre de victimes en l'espace de mois et demi. Un concours média sur la fistule obstétricale a été lancé par le Programme national de santé de la reproduction. Il vise la sensibilisation des femmes et des filles sur cette maladie. La nomination des technocrates, la dénonciation des fraudeurs et la lutte contre l'impunité en matière de ce délit. Voilà quelques éléments de la recette que suggère Gaspard Kouakou pour éradiquer la fraude. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles. 4 pêcheurs sont morts après avoir été mordus par un hippopotame, alors qu'un autre a été blessé ce dimanche matin sur la plage Niabouguete de la commune Mouhamérie de Bujumbura. Le représentant des pêcheurs dresse le bilan de 9 personnes victimes des attaques agressives de ces hippopotames en l'espace de mois et demi. Les pêcheurs exerçant leurs activités dans le lac Tanganyika demandent que ces hippopotames soient attrapés et transférés dans des espaces protégés pour limiter les dégâts. Un reportage de Placide Niyomungere. Dans une désolation totale, les pêcheurs et autres commerçants du poisson trouvés sur place après avoir repêché 3 corps expliquent que ces hippopotames ont attaqué ces 6 pêcheurs à destination de la plage vers 5h du matin de ce dimanche. Ces dernières ont d'abord renversé les pirogues avant de les sauter dessus. Au point d'arriver sur la plage, une hippopotame a surpris les pêcheurs. Il a d'abord renversé la pirogue et les a mordus. L'un est mort étant sur le lit de l'hôpital et 3 autres victimes ont été retrouvées ce matin et sont allongées là-bas. La population déplore que ces aquatiques qui sèment la terreur se déplacent en bande. Ils sont plus de 3 ou se déplacent à 4. Si ils aperçoivent des pirogues, ils s'apprêtent pour faire du mal aux personnes à bord. Ces pêcheurs et autres commerçants du poisson qui pleurent la mort de leur regrettent que ces hippopotames agressent toute personne exerçant n'importe quelle activité dans le littoral, soit des agriculteurs ou ceux qui viennent à la recherche de l'eau dans le lac Tanganyika. On reconnaît qu'il y a plus d'hippopotames dans le lac, mais celles-ci causent des dégâts énormes. Elles attaquent toute personne, mais sans mal lors du labour, elles ont mordu une femme qui est directement morte. Elles chassent les personnes dans les champs ou des gens qui viennent pour puiser de l'eau. Si les autorités nous aiment vraiment, qu'elles fassent tout ce qui est possible pour les mettre dans d'autres endroits. Sinalinzi Vianney, représentante des pêcheurs sur cette plage de Niabouguete, crie au secours de la population, car, d'après lui, les victimes des attaques de ces hippopotames deviennent de plus en plus nombreuses et demandent que ces dernières soient écartées de la population. Ces animaux agressent fortement la population. Hier, 16 hippopotames ont attaqué 6 personnes, parmi lesquelles 4 sont mortes. Nous demandons qu'on retire ces animaux de la population. À cause du problème d'eau dans notre quartier, s'il faut aller au lac, il faut une autre personne pour veiller à ce que ce ne soit pas mordu. En plus des 4 morts, ce représentant des pêcheurs dresse le bilan tragique de 9 personnes déjà tuées et 6 blessées mordues par ces hippopotames dans une période de près de 2 mois. Merci Placide. Et la nomination des technocrates provenant des formations politiques différentes de celles du président burundais est l'une des voies que suggère un politicien burundais et ancien ministre des Travaux publics pour éradiquer la fraude. Gaspard Kouakou estime que sa persistance est consécutive à l'impunité et à une pratique visiblement ancrée dans la gouvernance et qu'il faudrait démanteler. Il le dit après que le numéro 1 burundais ait annoncé une campagne contre les fraudeurs. Ce politique appelle tout Burundais à dénoncer toutes sortes de fraudes. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Le président de la République ne cesse jamais de dénoncer les fraudes persistantes. Et nous l'observons, et il le sait mieux que quiconque, parce qu'il a été ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Il a été ministre 2 fois avant d'être président de la République. Donc, la cause est la suivante. On peut l'exprimer dans 2 ou 3 points. Ça veut dire que quelque part, cette fraude a été encouragée. Elle s'est implantée, elle s'est enracinée dans les habitudes de certains gouvernants pour ne pas généraliser. Je crois qu'il a vécu au pouvoir, dans les arcades du pouvoir. C'est pourquoi je vous dis qu'il connaît mieux que quiconque ceux qui opèrent la fraude, ceux qui le font. Et il a fait des enquêtes et voilà le résultat. C'est que ce système qui s'est bâti et enraciné a fini par s'imposer en mode de gouvernement, je dirais. Outre cet engrangement, il y a la corruption. Ça veut dire que cette fraude s'érige sur le fond de corruption. Donc il y a des gens qui ont tellement corrompu, se sont accaparés de tous les marchés, une petite poignée de gens, comme il le dit lui-même, qui s'est enrichi, qui gère les fonds du pays, aussi bien les devises que la monnaie burundaise. Au niveau des échanges commerciaux, ce système mafieux, comme il l'appelle, les échanges se font à la frontière, non pas à la BRB. Vous comprenez que les importations doivent en souffrir pour ceux qui importent. S'il y a assèchement des devises, c'est justement à cause de ces gens qui ont accaparé finalement toutes les richesses du pays, qui la gèrent à petit nombre. Alors nous nous disons, comme il le demande, comme il le souhaite, il faut l'aider. Il a lancé un appel à quiconque peut l'aider de le faire. Je suis parmi ceux-là, si j'étais sollicité, mais même d'initiative, je vais le faire. Alors, tous les Burundais sont interpellés, exception faite de ceux-là même, et qui se sont rendus finalement frauduleux et qui en deviennent malades, parce que l'habitude est à une seconde nature. Il n'y a pas 36 façons de faire. L'autre façon pour nous de lutter contre ce système, c'est de démanteler ce petit groupe mafieux, étant entendu qu'il est identifié. Et je pense qu'il y a moyen. Il doit avoir le courage, il peut prendre le courage entre les deux mains. Il est remplacé. Gaspard Kobako. Le conducteur et le passager de train en province Rumonge vont désormais être poursuivis pour rébellion. C'est l'une des mesures arrêtées dans une réunion de sécurité ce lundi à Rumonge. Elle intervient après plusieurs réunions rappelant les conducteurs à l'ordre. Des réunions qui n'ont pas pu changer grand-chose dans cette province du sud-ouest du Burundi, d'où nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misako. La question qui a beaucoup retenu l'attention des participants dans la rubrique sécurité routière a été celle des motos saisies en grand nombre ces derniers temps, même si les mesures prises concernent également les autres véhicules. Pour certains intervenants, saisir uniquement la moto et laisser libre le motard, c'est punir injustement le propriétaire de la dite moto, car selon eux, il n'en est pour rien et n'en reçoit dans l'essentiel de cas aucun profit. Et c'est pour cette raison que le conducteur devrait être également puni. D'autres estiment que la loi en la matière devrait être considérée en cas d'infraction et laisser le motard continuer à prester après acquittement de l'amende infligée. Au regard des réunions tenues à ce sujet, sans arriver à inverser la tendance, les participants dans cette réunion de sécurité provinciale à Rumonge, conduite par Léonard Niyonsaba, gouverneur de cette province, après consultation des hommes de la loi, ont décidé que désormais, et le conducteur et le passager de trop seront traduits en justice dans un procès de flagrance pour rébellion et complicité dans la rébellion. Quant aux propriétaires des engins, ils doivent chercher tous les documents nécessaires et confier leur véhicule à des conducteurs dotés de permis de conduire. S'agissant des cyclistes, il leur est interdit de prester au-delà de 18 heures. À 14 heures de ce lundi, 36 motos étaient encore saisies au commissariat de Rumonge pour diverses infractions, dont le mauvais chargement. Jean-Pierre Misako de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le prix à la pompe du carburant vient de passer à la baisse. En mairie de Bujumbura, le litre d'essence passe à 4350 francs burundais. Le gasoil à 4235. Ces prix viennent d'être rendus publics par le ministre de l'énergie Ibrahim Ouizeye. Le litre du gasoil coûtait 4550, celui du gasoil 4395. Ces prix avaient été fixés le 9 octobre 2023. Le ministre Ouizeye a précisé ce lundi après-midi que cette décision et motivée par la baisse du prix du baril, de l'essence et du gazoil sur le marché international, ainsi que celle du coût de transport de ces produits. Le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines vient de constater une baisse des cours mondiaux des produits pétroliers. Il a été également constaté une baisse des coûts de transport par bateau de l'essence et du gazoil en provenance des raffineries vers le port de Dar es Salaam pour les livraisons du mois de novembre 2023. En conséquence, le gouvernement du Burundi a pris l'orientation de suivre au jour le jour les variations de cours mondiaux du pétrole et de changer les prix à la pompe sur une base mensuelle. Si les prix sur le marché international montent ou baissent, les prix à la pompe seront revus à la hausse ou à la baisse selon le cas. Ainsi, consécutivement à la baisse des cours mondiaux et des cours de transport en bateau de l'essence et gazoil en provenance des raffineries vers le port de Dar es Salaam, les nouveaux prix du carburant à la pompe de Bujumbura sont fixés comme suit. Essence super, 4350 francs par litre. Mazout, 4235 francs par litre. Pétrole, 4250 francs par litre. Le prix du pétrole a par contre augmenté, contrairement au mazout ou à l'essence, passant de 4150 francs burundais à 4250, donc une augmentation de 100 francs burundais pour le pétrole. La fistule obstétricale est une maladie qui s'observe encore surtout chez les femmes et les filles qui n'accouchent pas dans des structures sanitaires. Propos du chef du service information, éducation et communication au sein du programme national de santé de la reproduction. Et c'était lors du lancement d'un concours média sur cette maladie. Les productions devront être faites durant la période allant du 6 au 26 novembre 2023. Sadiq Niyonguru dit que ce concours va aider à la sensibilisation des femmes et filles afin d'éradiquer cette maladie suivante. Le concours pour l'élimination de la fistule obstétricale au Burundi est lancé sur le thème « Non à la fistule obstétricale ». Et cela veut dire que nous voulons donc lancer un message fort à la population, un message de sensibilisation, un message de recherche des cas suspects de fistule obstétricale pour qu'il n'y ait aucune personne qui souffre de la fistule au Burundi. Et cela ne peut pas se réaliser sans le concours des médias, parce que vous savez que les médias au Burundi, les gens écoutent la radio, au Burundi, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc nous voulons exploiter tous les canaux de communication pour que le message arrive à tout le monde, pour que le message puisse être compris par que ce soit les autorités, que ce soit les gens des églises, que ça soit toute la communauté pour que tout le monde se lève comme un seul homme à la lutte contre la fistule obstétricale. Il y a des femmes qui se cachent encore. Et cela s'est remarqué au moment où on organisait des campagnes de dépistage et de confirmation des cas. C'est-à-dire que ce sont des cas qui se trouvent au niveau de la communauté, non recherchés, qui n'ont pas d'informations pour fréquenter les structures de soins. Cette maladie est une réalité au Burundi parce que quand on suit les statistiques, notamment que nous recortons au centre Urumuri de Gitega, on remarque que les chiffres, c'est vrai, les chiffres vont en diminuant parce que l'enquête qui a été menée dans les années antérieures montre qu'il y avait une prévalence à peu près par l'année de 700 cas. Mais avec le temps, avec le progrès de la médecine, avec, cette mesure de gratuité des soins, que les gens maintenant accouchent dans les structures de soins, on a remarqué une baisse considérable des cas. Mais quand même, on veut qu'il y ait une personne qui souffre de la maladie et que nous voulons que ce chiffre soit ramené à zéro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.